told ya. Sambona. Yeah. Abandi sambona. Me the way to move it a damn day. Sambona. Giba. Abandi sambona. Hey, bring the beat there. I give you my testimony. Ere ya wenara kamati. Babiri nga wenabo. Ewe su wanje uramagi. Abandi sambona. Giba. Giba. Sambona. Abandi sambona. I told you, erega reka nkubaze waranyifatiye cyangwa nasaze asaze erega sinokubesha igenu gice cyane birashyisha warantwaye ubwenge n'umutima sinibona ibindi bigeshe mu buzima mbega nasaze cyangwa singibona. I'm in love with you. Abajama bakera bavuga ngo ndagara gara kuko tutakije na guhara baranyerekera wanyanduje umugera utuma umunyabyaha ahinduka uwera wanyemeje ku rukundo rubaho babiri nkawe ntabo kakanona karirimbo k'urukundo mviriza umutima apariye ubudundo. I give you my testimony. Imbere yawe narakamatanze babiri nkawe ntabo ewe Yesu wanje urama. Abandi sambona. Simbona. Abandi sambona. Bose bari bambaye. Nachonganya agaciro nko gukundwa n'umwami w'abami. Kuko inzitiro zanje zose azihoza kwa maso. Niyo mpamvu kuvuga izina ryiwe ntazo biheba naho tutani so. Yarankunze arampfira yanguze igiciro kinini cayiwe maraso. Washa tumukomera amashi ni ku bwacu yakubiswe n'inkoni nyinshi. Ubuntu bwiwe buguma buba bwinshi kuko intama zikiri hanze ni nyinshi. Umuzeye aguha ubuzima apana bamwe batuma gusa umara kabiri. Muri Kristo na hambere haramara naho bingana. I give you my testimony. Imbere yawe narakamatanze babiri nkawe ntabo ewe Yesu wanje uramagi. Abandi sambona. Abandi sambona.